Exercice 4. Vous ne vous regardez pas. 1. Nous ne nous connaissons pas bien. 2. Vous ne vous parlez pas beaucoup. 3. On ne s'écoute pas. 4. Elle ne se téléphone pas souvent.